Ce soir, en réanimation, The Undead Incorporated Show. Sinistro, c'est moi, Dr. Payne Pendragon. Aura une programmation très ordinaire, avec des pièces très ordinaires et des interventions très ordinaires. Et pourquoi? Parce que vous êtes des auditeurs très ordinaires. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque leurs soins sont aussi très ordinaires, voire médiocres. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. 'Cause Pendragon fucking said so. Go.

depuis un certain nombre d'années. Ben oui, disons que sont pas mal les précurseurs du genre. Hein? Effectivement. Donc, nous avions Voivode avant la pause publicitaire avec la pièce The Lost Machine que l'on retrouve sur The Outer Limits. Que c'est-tu bon, ça? Ah, moi j'adore cette... Ben, je trouve l'album très bon, là, mais cette pièce-là, j'ai une petite coup de cœur particulier. C'est une très bonne pièce de l'album. C'est paru en 93, pardon, sur Mechanic. Nous avions auparavant un classique. Là. C'est un incontournable du genre et du métal et de la musique généralement. Hopeth est la pièce Bleak que l'on retrouve sur ce que je qualifie comme étant littéralement un chef-d'œuvre. De... Ben, je pense que c'est leur meilleur album, selon moi. Là, c'est peut-être le plus emblématique. Là. Blackwater Park est paru en 2001 sur Music for Nation. Selon moi, c'est l'album qui représente possiblement le mieux la formation. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est mon album préféré d'Opeth. Moi aussi, tout à fait. Et nous avions débuté ce premier bloc avec la formation Mastodon et la pièce Sea Beast, qu'on le retrouve sur le très bon album Leviathan, qui est paru en 2004 sur Relapse. Et selon moi, Leviathan est encore le meilleur album de Mastodon. Oui, et cette pièce-là, selon moi, c'est la meilleure de l'album. Ben, il aurait dû la faire en spectacle, ça aurait été bien, bien le fun. Ah, ça aurait été vraiment génial, effectivement. Mais peut-être que ce n'est que partie remise, sait-on. Ce soir, j'aurai un très beau bloc, très... Death pour vous autres, et j'aurai la présentation d'une pièce du nouveau Project 8 1999. Une seule pièce parce qu'elle dure quand même 10 minutes 40. Ben, comme la majorité de leurs pièces. Oui, finalement. Généralement, eux autres sont assez généreux de leur temps sur leurs pièces. C'est parce qu'ils regardent le drummer puis. Ah, c'est ça qu'il faut qu'on change. Le drummer. Ah, c'était le temps, là. Ouais. Surtout que souvent, le drummer, il n'y en a pas, hein. T'étais pas obligé de le dire, non, ça. Mais... C'était pour voir si le monde était à poursuivre. On l'aurait pas su. Et on n'a pas d'interaction à la radio. Ah non? Non. S'il y en a, c'est dans ta tête. C'est non, mais tu sais, je lâche une joke plate comme ça. Ouais. En disant qu'ils regardent le drummer. Ceux qui connaissent le groupe vont dire okay, oui, il n'y a pas de drummer. Oui, mais tu pourras pas le savoir. Tu n'auras pas de satisfaction. C'est pas grave. Ils ont juste à l'écrire sur Facebook et dire Sinistro, tu connais rien. Il n'y a pas besoin de l'écrire sur Facebook. Ah, tout le monde le sache. Tu as tellement raison. Aïe, aïe, l'éducation de ces jeunes est de plus en plus difficile. Eh oui, que voulez-vous? Je vous parlerai d'un film que j'ai visionné le week-end dernier, un excellent film. Je n'en ai vu qu'un parce que j'ai écouté énormément de musique le week-end dernier, donc je ne me suis pas concentré à l'art cinématographique. Ben, moi, oui. Ben, toi, tant mieux. Puis on en parlera tantôt. Ben oui, oui, parce que c'est une série que moi aussi, j'ai commencé à découvrir. Toi, ce soir, qu'est-ce que tu nous présentes comme cochonnerie? Ben, les cochonneries habituelles. Okay, ouais, j'ai pas ben, t'as raison, Sinistros, habituel, c'est le même playlist depuis les 4 dernières années que tu me présentes. Oui. C'est juste l'ordre qui change. À chaque émission, c'est les mêmes pièces. Si tu regardes, ils ont tous le même temps aussi. Oui, effectivement. Non, j'ai pas de présentation d'album parce que je vais vous avouer que janvier et début février ont été vraiment, vraiment pauvres pour 2013 en frais de sortie. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y a le nouveau Halloween, il y a le nouveau aussi. » Ben oui, mais regarde, c'est une dingue. Ben écoute, au niveau métal, c'est relativement tranquille. C'est très calme. Il y a le nouvel album de Hate qui est quand même pas si mal. Mais bof, c'est pas quelque chose que... Ça t'a pas marqué tant que ça? Bon, pas vraiment. OK. C'est sûr et certain que la barre est assez haute avec Target Earth de Voivode, mais en tout cas, bref. Mais t'en es pas revenu encore. Là. Non, c'est une autre histoire. Oui. Possiblement que j'en reviendrai pas. Il va y avoir un album cette année, c'est tout. C'est Voivode, Target Earth. Dis que ta rétrospective de 2013 va être assez courte. Ouais, un album, on le passe au complet. OK. 3-4 fois pendant 3-4 émissions. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, j'ai choisi un bloc de trash un peu plus moderne. Il y a un peu d'Américain, il y a un peu de Norvégien, il y a un petit peu de d'Allemand là-dedans. Mm-hmm. Donc, un amalgame de trash un petit peu plus, comme je disais, moderne. Tu sais. On va avoir une formation norvégienne Harm avec une pièce qui s'appelle Eradication of the Individual. C'est tiré de Demonic Alliance de 2011. On aura du Hatchet, on aura Havoc, du Headshot et Gvelertak. Faut qu'un bon petit bloc cool pour swinguer légèrement dans vos salons ou aux salles d'ordi ou dans votre char finalement. Ouais, c'est un peu moins. Dans une auto, c'est un petit peu moins indiqué de se lamer. À moins que tu veuilles faire des sports extrêmes sur l'autoroute. Ouais, c'est parce que là, tu supposes que tu vas embarquer d'autres personnes involontairement dans ton sport extrême. Ah, ben, tu sais, quand tu te vois dans un spectacle, puis il y en a qui se mettent à trasher, involontairement, tu risques de te faire ramasser si t'es dingue, genre. Oui, mais sur une autoroute, c'est plus dur de dire que j'embarque pas quand l'autre se promène d'un allée à l'autre, là, mais bon. Ben, on est qu'à se tasser, c'est pas plus grave que ça. Ben, en tout cas, de toute façon, moi, je n'en tirerai rien. Ben non, c'est ça. Alors, allons-y tout de suite. Harm, eradication of the individual. Go! Yeah.

Non, c'est une blague. Un film qui risque de... Ben, t'es-tu un amateur de films gangsters? Oui, ça, j'aime ça. Stand Up Guy, c'est en salle depuis vendredi dernier. Ben, l'affiche a l'air vraiment old school. Oui, ça fait... Ça fait très années 70. Ça ressemble énormément à Ocean 12, qui était à l'époque avec... Frank Sinatra des années 60. Repris avec George Clooney plus tard dans les années... George Clooney. Non, Stand Up Guys qui met en vedette Al Pacino et qui raconte, trois vieux de la vieille qui se remettent ensemble pour refaire des mauvais coups. Ça risque d'être intéressant. Moi, en tout cas, j'aime bien ce genre-là. Oh, ça risque d'être cool, ça. Je dis pas que je donne pas l'absolution totale dès le départ à Al Pacino parce qu'il a fait des trucs. Il a fait des mauvaises choses. Ouais, des choses qui étaient un peu. Tu sais, le parfum, je sais pas quoi. Moi, j'ai trouvé ça plate un petit peu. Parfum de femme. Ouais, c'est ça. C'était pas très bon. C'était ça. Ben, les femmes ont aimé ça, là. Ma mère était... Ah, c'était-tu bon, ce film-là? Ben non, moi, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Effectivement. Mais en fait, tu sais, je... Bon. Il y a des étiquettes qui collent à des acteurs. Ben oui. Ouais. Puis à un moment donné, on s'attend à ce que ça... Al Pacino, j'aime mieux quand il éclate la tronche à coups de gun. Oui, c'est un peu le principe, je te dirais, de Robert De Niro. Ouais, c'est ça. Robert De Niro, on le voit bien dans un rôle de pas nécessairement très clean. Ouais, t'sais. C'est ça. Ouais. Un rôle un petit peu... J'ai écouté un très, très bon film, qui est un film de Robert Zemeckis, qui met en vedette Denzel Washington. À l'occasion, on voit aussi John Goodman dedans. Qui s'appelle Flight, qui est un film... c'est un drame. C'est pas un drame d'action, c'est pas un drame sentimental, c'est un drame. Je pensais pas que Zemeckis faisait encore des films. Je pensais qu'il s'était retiré. Semble-t-il que. Avec sa franchise Retour vers le futur. Non, il remet ça, puis je pense qu'il n'a pas encore perdu la touche, honnêtement. Ah, ben c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça raconte l'histoire de Whip Whitaker, qui est un pilote de ligne, qui a beaucoup d'expérience, mais qui a un grave problème, celui de la consommation de toutes sortes de substances illicites et de l'alcool. Ah non! De façon quotidienne. Pas en chauffant son avion. Effectivement. Jusqu'à une certaine journée où il doit faire un vol qui est pratiquement de routine d'un état à l'autre. Il y a un vol de 56 minutes, je crois, sur les ailes d'un transporteur, mais qui n'est pas un 747, qui est peut-être un 727, 737, quelque chose du genre. Et la journée de décollage, ben, c'est la purée de poids, donc on voit absolument rien, le brouillard, la pluie, ainsi de suite. Et il arrive comme à la dernière minute, un peu étrange, ça fait 4 jours qu'il n'a pas dormi, ça fait 4 jours qu'il fait la rumba. Et il embarque dans le cockpit, puis son copilote lui pose des questions, puis il regarde en voulant dire, garde, achète-moi pas matin, là, je sais ce que je fais, puis tu vas suivre ce que je vais te dire. Et il décolle, puis l'avion semble avoir... Écoute, ça fait un peu l'ADA, c'est mort l'avion, là, tu sais. Puis il y a un problème qui se déclare, mais en fait, avant de décoller, il pousse la machine au maximum, puis il prend beaucoup d'altitude rapidement, puis c'est ce qui est pas normal pour être capable de survoler le dessus de la tempête. Et il réussit. Ça secoue un peu les passagers, mais il réussit. Et à un certain moment donné, il commence à avoir des problèmes techniques dans l'avion, des problèmes mécaniques et surtout hydrauliques. Et le plus grand problème, eh bien, c'est un problème de gouvernail. La vis sans fin a lâché. Donc, ça allait le fun. Oui. Le problème, c'est qu'elle a lâché en état de descente. Ils peuvent plus prendre d'altitude. Ça fait que ça descend. Ça descend. Ça descend constamment. Puis ils vont s'écraser jusqu'à ce qu'il, lui, décide de... Regarde, on va tenter le tout pour le tout. Il dit, attachez-vous, tout le monde, vos ceintures, puis let's go. On flippe l'avion de bord. Fait que si on flippe l'avion de bord, elle va reprendre l'altitude. Et il le fait, mais c'est tiré sur des... C'est basé sur un fait réel, ça, là. Et il réussit à le faire. Évidemment, ben, il y a une hôtesse de l'air qui meurt là-dedans, qui a pas réussi à s'attacher. Bon, en tout cas, c'est pas sans vraiment dégâts. Il ramène l'avion quand il a pris l'altitude, puis finalement, tous les moteurs lâchent, donc il réussit à la poser, un atterrissage forcé. En plus, il y a un des trains d'atterrissage qui est coincé dans une des trappes qui a brisé. Donc, il faut qu'il la fasse atterrir dans le champ sur la vente. Ça cause la mort de, je crois qu'il y avait quelque chose comme 106 passagers à l'intérieur. Il y a 104 passagers. Il y a 6 passagers qui sont morts parce qu'il y a une des ailes qui a décroché et qui a fait l'effet de train sur le côté de la carlingue. Et après, c'est l'enquête. Mais tu comprendras que lui a été légèrement blessé, ben légèrement un peu. Et les prises à 5 viennent avec ça. Mm-hmm. C'est très bon. C'est très, très bon. Et c'est très bon d'autant plus parce que le personnage qu'interprète Washington, c'est-à-dire Whittaker, est un paumé pathétique qui ne peut absolument pas se contrôler. Donc, c'est très, très bon. C'est en DVD. C'est disponible. Blu-ray, évidemment. C'est pas un film d'action, mais c'est vraiment excessivement bien fait. Et ça montre que parfois, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Hein? Ah! Et en avion, c'est difficile de dire « Excusez, je vais descendre ici. » Puis le gars, il devait se dire « Ah, oh, une chance que je te chaud, ça aurait pu être pire. » Ça aurait pu être pire, effectivement. Je vais y aller avec ce que je voulais présenter cette semaine, qui est une pièce tirée du dernier album de cette formation suédoise qui existe depuis maintenant 98 ans. Oh. Qui existe depuis 98 ans. La bottine souriante. Ouais, une quinzaine d'années. Qui vient de... Je peux pas vous dire comment ça se prononce en suédois, mais c'est Örebro. Örebro, Örebro, je sais pas trop. Là. À quelque part là-bas. Oui. Et c'est une formation qui est l'idée par Lord Ken Phillipson, qui s'occupe de la guitare, des chœurs, du clavier, de la programmation, dont le chanteur est Jörgen Sandström, qui était l'ancien chanteur de Grave. Oui, effectivement. Donc, c'est une formation qui donne dans un death industriel, je dirais, à tendance légèrement symphonique et gothique. Et pas reposant. Pas toujours reposant. Par contre, je trouve qu'avec le temps, ils se sont légèrement ramollis. Ben, moi, j'aimais mieux le vocal de la première chanteuse. Je suis d'accord avec toi. À la longue, en ayant écouté l'apparition de comment elle s'appelle déjà, Ruby Rourke, je trouve que la précédente, dont le nom était... Elle. Jona Henkel était de loin supérieur. Ils ont perdu un petit peu de méchanceté dans ce qu'ils font parce qu'il y a énormément beaucoup plus de place au vocal féminin, ce qui me plaît un peu moins. Mais il reste que l'ensemble de la musique du Project 8 est très malsain. Et on va se taper une seule et unique pièce qui est tirée de l'album de Cadaverous Retaliation Agenda, qui est paru sur une étiquette qui s'appelle Autoproduction. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. OK. Il y a beaucoup d'albums qui sortent là-dessus. Oui, c'est un label qui est très en vogue. Je pense que c'est le plus gros label au monde. Et comme tu racontais la semaine dernière, c'est un album qu'ils ont produit en demandant des dons à leurs fans. Ouais. Ils l'ont redistribué gratuitement sous forme de téléchargement. Dans le fond, le monde, ils ont payé avoir l'album, mais là... Oui, mais on s'entend-tu que moi, il était disponible et je n'ai pas payé pour eux autres? Là. Ben, il ne faut pas que tu le dises. Non, mais on s'entend-tu que c'est pas juste les fans? Non, ils l'ont donné sur le site. C'est ça, c'est exactement. La pièce s'intitule « We watch in silence as the earth turns to blood ». C'est une longue pièce de 10 minutes 39. Voici The Project 8, 1989. 89, pas pire, c'est 99 Love Balloons. Ça? Ouais, vas-y. Go. Take it over. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! L'écrosalon, de tout pour tous. Plus de 60 exposants, oiseaux, insectes et reptiles vivants, organismes environnementaux, conférences sur les constructions écologiques, documentaires, produits du terroir, présence du zoo de Granby, du 15 au 17 février, à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Tout le monde peut participer aux Journées de la persévérance scolaire. Du 11 au 15 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. GarageGauthier.ca. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. h 17, et vous êtes toujours à l'antenne de réanimation sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et on vient d'entendre la formation suédoise Project 8, 1999. Ah, là, il y a 10 ans de plus, là, c'est bon. Ouais, ben écoute, c'est quand même passé 10 minutes. Là, et la pièce We Watch in Silence as the Earth Turned to Blood, qui est tirée du dernier album de Cadaverous, Retaliation Agenda, qui est paru, évidemment, à la fin 2012, sur forme de dos production. Ben, tu vois, musicalement parlant, c'est très, très bien, mais le vocal de la fille m'exaspère légèrement. Moi aussi, par bout, je dois le dire. Je l'avoue très franchement et candidement. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect très malsain et méchant de quand ouais, quand ça bûche, ça bûche. Ah, puis en plus, la fille, elle est même pas belle. Bon. Ben, sa prédécesseuse avait un vocal et une apparence beaucoup plus intéressante. Ah, c'est pour ça qu'elle est partie. Vous me gardez rien que pour mon corps. Le crois-tu? Ce vendredi, soit le 8 février, au Foufounes électriques, c'est Tourissas en compagnie de Firewind et Stolen Babies. C'est à 19h. Les billets sont disponibles via admission au coût de 20$ et 25$ taxes incluses. Le mercredi 20 février, c'est Enslaved en compagnie de Pallbearer, Royal Thunder et Ancient Wisdom. C'est au Foufoune électrique également à 19h30. Les billets sont via admission au coût de 22,50 à 27,50 taxes incluses. Le dimanche 24 février, au Club Soda, c'est Voices from the Dark. Notre en vedette Marduk, Moonspell, Inquisition, The Foreshadowing, et Death Wolf. C'est à 19h. Il en coûtera 26,9 et 30 et 44 plus taxes. Vous y accéder via la billetterie du Club Soda et c'est pour tous. Soilwork, Jeff Loomis, Blackguard, The Brawling et Wretched seront le dimanche 17 mars. Veux-tu bien te taire, toi, espèce de cadavre bizarre? Bon. OK. Pas toi, toi, t'es pas un cadavre bizarre, t'es juste un cadavre. Ah, dimanche, le 17 mars prochain, 18h10, au Café Campus, les billets sont en vente via admission au coût de 20 et 25$, taxes incluses. Les billets VIP à 17h au coût de 55$, taxes incluses. Udo Der Schneider sera accompagné de Alcyon Noé et groupe invité à 19h au Fonfonine électrique le vendredi 12 avril prochain au coût de 25$ et 30$ taxes incluses via admission. Pagan Fest, America Part 4, Metal of Edith Inciferum, Tar, Hyde Volk, Trollfest et El Sot. Je les connais pas aussi. Trollfest, c'est rigolo. Non? El Sot. Pas de la mort. Non. Bon. El Sot. El Sot. au Métropolis le jeudi 18 avril, que ce Pagan Fest se tiendra à 19h. Il en coûtera 30 et 43 et 34,78 plus taxes pour y assister. C'est pour tous via Ticketmaster. Catatonia et groupe invité le jeudi 25 avril à 20h au Café Campus au coût de 20$ et 25$ taxes incluses via admission. Et la Decibel Magazine Tour 2013, en mettant en vedette Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation, samedi 1er juin, 19h au Club Soda, 25 et 22, 30 et 43 plus taxes, c'est pour tous, billetterie du Club Soda. Et, extraordinaire nouvelle. Ah, c'est le fun. Si je suis heureux d'apprendre que ce sera le retour de Ghost à Montréal le mardi 7 mai prochain, oh! Théâtre Corona, là où je les ai vus la première fois. Ça risque d'être cool. Ah, oh, c'est quelle belle place pour avoir un spectacle, c'est merveilleux. Ah, même si c'est un mardi, il faut y aller. J'y vois. Okay. Je vous annonce que le mardi 7 mai, il n'y en aura pas de réanimation. On va être à Ghost. Il y aura l'artiste invité Iris of Gemini, je ne les connais pas du tout. Moi non plus, je n'ai pas longtemps parlé de ça. Mais c'est le retour de Papa Emeritus 2. Là, c'est le 2, c'est effectivement. Ça. Donc, c'est pas un retour de Papa Emeritus puisqu'il fait le 2. Mais entre vous et moi, c'est le retour de Papa Emeritus. Ben, c'est le nouveau pape, bon, OK. Oui, effectivement. Donc, ça sera fort attendu en ce qui me concerne. L'ouverture des portes sera à 19h, le spectacle est à 20h. Et je ne me rappelle plus du prix du billet exactement. Bon, à 24, non, pas du tout. Ça sera une surprise. Je trouve trop d'être 34$, je pense, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas si pire. Point de vue spectacle locaux maintenant. Oui. Le 22 février, on aura droit à Vortex, Fuck the Middle East et Elborn au Rock Café Le Stage. C'est au coût de 5$. Alors, c'est un show party un vendredi soir. Ça risque d'être cool. Venez-vous-en en grand nombre. Et en avril, là, il y a la tournée canadienne. Ne découvre pas d'un fil. C'est cela. Il y a la tournée canadienne de Arkona de Russie qui sera de passage à Trois-Rivières. Il n'y a pas encore de détails, mais ça devrait venir. Apparemment, il y a Energer aussi qui sont en tournée pour le mois de mars. Il y a des dates d'annoncer à Québec, Montréal et Sherbrooke. Semble-t-il qu'il y a Trois-Rivières, mais je ne sais pas ce qui se passe. Le promoteur n'a absolument rien d'annoncé encore. Ou ça va-tu faire patate à Trois-Rivières? Ou maintenant, le promoteur n'est vraiment pas pressé? On ne le sait pas. C'est à suivre. C'est à suivre. Et pour les curieux d'entre vous qui voudraient savoir qui est Sinistros, et bien venez voir Hellborn. Il joue dans ce band-là. Ah, ben oui, gadon. Ça n'a pas dû retrouver, c'est plus là de la gang. Eh oui. Il y a juste un gobelin qui joue dans ce band-là. Ben, il y a juste un guitariste, c'est pour ça. Bon, OK, ceci étant dit, tu nous proposes quoi, toi? Ben, de la musique de gobelin, justement. Ah, arrête donc. Ah, oui, ça me tentait. OK. Formation américaine, Lair of the Minotaur. Ben, de toute façon, c'est un espèce de bloc un peu hétéroclite. Il y a un peu de doom, de death and roll, de crossover, d'industriel, puis de... Ben oui, non, ça. De n'importe quoi. Alors, Lair of the Minotaur, un groupe américain qui fait dans un genre de death and roll assez cool, assez trippant. La pièce s'appelle Attack of the Gods. C'est tiré de Evil Power de 2010 sur The Grindhouse Records. Alors, allons-y, go. The Grindhouse Records, January 16th, 2010. Let the gods prepare for war. Rise, strike.

c'est que c'était ça? Revocation, avec la pièce Cradle Robber tirée de Chaos of Form de 2011. Si vous voulez avoir du bon Revocation, ils ont sorti un mini-album en 2012 qui est tout à fait gratuit. Vous pouvez juste aller sur leur site web et downloader ça en toute légalité. C'est excellent. Et quiétude. Et quiétude, effectivement. Ben, je sais pas si ça va être quiétude si tu vas écouter ça, là. Mais peut-être que oui. Non, mais le fait de commettre l'acte de téléchargement, je parle. Ah oui, c'est en tout Ah, je peux! Clic! Ah, wow! Clic-clac! Ministry, avec Double Tap, tiré de Relapse, c'était sur 13 Planet, le label à Al Jorgensen. On a eu Prong, qui figure Tommy Victor également, de Ministry, avec la pièce Keep on Living Pain, de Carved into Stone, 2012. J'ai eu un flash avec Keep on Loving You. Keep on Loving ça, c'était You. C'était qui? C'était Toto, ça, non? Ouais, on a fait le même. Keep on Loving You. C'est excellent. Uh-huh. Municipal Waste avec New Dead Masters, tiré de The Fatal Feast de 2012, c'était sur Nuclear Blast. Et Lair of the Minotaur, Attack the Gods sur Evil Powers de 2010, sur le label de Grindhouse Records. C'est bien cela, mon cher ami, c'est bien cela. Ami, tu t'es vite dit cela. Oui, il faut avoir la poli à la radio. Ah! Pour faire semblant. Bon, on rewind. Fini avec... Lair of the Minotaur. Evil Power. Tiré de l'album du Masco. Bref, vous savez quoi, là? Ben, c'était pourri, pauvre Trouduc. Ben, c'est ça que je te disais aussi. Bon, là, c'est là on vient d'entendre la vérité. Bon, OK, ceci étant dit... Puis tant qu'à faire, tant qu'à dire la vérité, ben, on s'actue notre camp. OK, salut, Mike. Salut. Bon, on va y aller avec ma dernière présentation de la soirée, qui est un bloc de pure death metal. De cochonnerie. Oui, aussi, oui, c'est ça, on est obligé de dire la vérité maintenant. Ça sera pas... Ben, on l'a dit, je l'ai dit en début d'émission. On mettait de la musique, ça va être ordinaire. Ça va être très ordinaire, tout va être ordinaire. Fait que ça va être un bloc très ordinaire, dans lequel j'aurai cinq formations de death metal ordinaire, avec des pièces tirées de leur album ordinaire. Sur les labels non moins ordinaires. Non, mais les groupes, parce qu'ils s'appellent tout ordinaire, puis ils ont toutes des chansons qui s'appellent ordinaire. Tirer l'album ordinaire. De l'année 2000 ordinaire. Bon, OK. On va entendre, entre autres, du Narasadek. Oh. Oui, on va entendre du Iron. Ah. On va entendre du Molition. Ah, non. On va entendre du Decapitated. Oh, l'ail. Puis on va entendre du À l'instant. Hein, c'est un nouveau band, ça? À l'instant. À l'instant. Ah, c'est okay. À l'instant, OK. On va entendre Incantation et la pièce des Aliens Genesis tirée du dernier album Vanquish and Vengeance. C'est une excellente pièce, c'est une excellente formation. C'est du très bon death metal. Et c'est go! le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. Ça l'est, bon. Parmesan pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que c'est chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Bonjour, mon nom est Alexandre Dosti et dans le passé, j'ai eu aussi la chance d'animer l'émission Dans le trafic avec le très honorable Éric Toulouse et le magnifique Luc Bourque. Ces expériences m'ont appris une seule chose. Le média radiophonique universitaire est incroyable. C'est une façon de s'émanciper, une façon de se libérer, une façon de s'exprimer. Toi aussi, tu peux le faire en t'engageant à C'est Fou et en montant ton projet d'émission. C'est Fou a besoin de toi. Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou@uqtr.ca ou visitez le cfou.ca. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est Fou 89 ans. Pourquoi qu'ils rient, eux autres? C'est pas de vos affaires. Et voilà. 21h12, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes. Ah, vous êtes encore là? Ben là, on suppose, on les voit pas. Sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, votre radio campus de Trois-Rivières. Je voudrais donner des salutations spéciales à tous nos auditeurs européens, spécialement d'Angleterre et de France. Oui, effectivement. Qui doit être... couché à ceux-ci. Il y a des chances. C'est bon, ça. Et on vient d'entendre la formation Nether Sadek et la pièce Soulless tirée de l'album In the Flesh qui est paru en 2011 sur Season of Mist. Quel album! Ah, c'est excellent. Formation qui met en vedette Ron Erickson, qu'on retrouve aussi dans Aura Noire, Steve Tucker, qui a été le membre fondateur de Ceremony. Tiens, je passerai le Ceremony la semaine prochaine avec Pat O'Brien de Cannibal Corpse. Ben pourquoi pas? Ben oui. Ex-Morbid Angel, bien entendu, il était comme bassiste vocaliste Morbid Angel un certain temps. Il était musicien pour Nile, version live. Et Flo Mounier à la batterie, qu'on retrouve aussi dans Cryptopsy, bien entendu. Le bassiste, parce que Tucker ne fait que chanter sur les enregistrements, mais je crois qu'il l'a fait aussi live, là. C'est un dénommé Navi. Ouais, mais et ça, non c'est... Nabi, là. Non, c'est pas Nabi. Un Nabi comme dinosaure, là. Mais le bassiste qui joue sur l'album et live, c'est Ian McMaster ou quelque chose du genre. Tu peux regarder dans Live Members. Nicholas McMaster. Ouais, effectivement. Qui, lui, on le retrouve dans Astro, Matus, Bloody Panda, Cat... Quoi? Cat Steven. Cat Stevet. Et Super Fun. Cat Steven. Voilà, quoi, je connais pas ces bandes-là. C'est pas grave. Pas important. Juste auparavant, nous avions formation polonaise, Decapitated, et la pièce Homosum, que l'on retrouve sur la dernière apparition de 2011, soit Carnival is Forever. Qui apparaît sur l'étiquette Nuclear Blast. D'autres, ils n'ont pas eu facile. Ils ont perdu leur drummer un certain nombre d'années. Oui, puis c'est parce que le drummer, c'était lui qui virait comme. C'était lui le band. C'était lui qui était en arrière de tout ça. Dans un accident de tour bus, c'est assez dramatique. Auparavant, nous avions Hayon et la pièce Till They Pray, tirée du dernier album Hayon Black, qui est paru en 2012 sur Metal Blade. Excellent album. Vraiment excellent, ça. Si vous avez un album de 2012 de Death Metal a acheté, vous savez pas quoi. Allez avec Ion et Ion Black. Vous ne vous tromperez pas. Immolation, très puissant, et la pièce Glorious Epoch que l'on retrouve sur Majesty and Decay, paru en 2010 sur Nuclear Blast. C'est le dernier Fallen paru de cette formation. Je présume que, je pense qu'ils entrent en studio bientôt, eux autres. Ben, j'imagine avec la tournée qu'il va avoir cet été. C'est logique, hein? Sûrement. Et on a ouvert le tour avec Incantation et la pièce The Aliens Genesis que l'on retrouve sur Vanquish and Vengeance qui est paru en 2012, dernière parution sur le Sonable Record. Sinistros, mettant que toi, tu es tombé du côté obscur du métal avec le death metal. Eh oui, je me suis laissé séduire. En écoutes-tu, t'es-tu curieux d'en découvrir plus ou? Ben, 2012 m'a permis de découvrir un paquet de trucs. C'est sûr et certain que là, depuis début janvier, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment comme sorti d'intéressant, je m'intéresse plus à ce qui a été fait 2012-2011. Ouais, ben c'est ça. Vas-tu en arrière dans ce style-là? Ben oui, je suis allé chercher un album de Nile que j'avais pas, tu sais, puis là, je vais écouter ça. C'est cool, tu sais. Ouais. Découvre des trucs, et à cette heure, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Ouais, je découvre certains bands qui. Il y en a qui vont dire c'est bon, moi ça me tape ses nerfs. Ah, ben écoute, c'est comme dans tous les styles, hein, ça plaît pas à tout le monde, c'est pas tout ce qui est fait qui est vraiment bon. Non, mais des trucs que peut-être qu'il y a 7-8 ans, j'aurais dit ah, c'est super bon ça, puis okay. Qu'en 2013, hein, on regarde, c'est... Okay. Grand-mère tais-toi. Oui, c'est cela. Ouais. Je voulais vous rappeler certains trucs au niveau du cinéma que j'ai complètement oublié. On peut parler un peu de ça pour... Oui, mais avant qu'on parle de ce que tu as découvert, ce que j'ai découvert, je voudrais juste... J'ai sauté cette étape-là tout à l'heure, des trucs qui seraient intéressants à s'en aller. Le 28 février, il y a des ABCs of Death qui se veut une espèce de... Comment je pourrais dire? De films à différents volets qui exploitent les façons de mourir. Ah, oh, ça a l'air intéressant. Oui, c'est intéressant. Ben, nous autres, ça va être un bon documentaire pour nous. Oui, effectivement. On va pouvoir s'inspirer pour... Ben, en fait, il faut le dire, c'est nous autres qui est derrière ça. Ah. Tu savais pas, mais t'es le script. Moi, je suis le metteur en scène. Ah, c'est moi qui ai écrit ça? Oui. Ah. Donc, les BC of Death tombent en salle. Bien évidemment, ici dans la région, je peux pas dire qu'il va tomber en salle, dans plusieurs salles, mais dans les... ville qui se respecte. Ça devrait être disponible le 28 janvier 2013. Le 1er mars, c'est le remake de Jack, The Giant Killer. Ça, je t'en ai parlé. Tu te rappelles du film des années 60? Ben, c'est un remake. Écoute, j'ai vu les previews, ça a l'air quand même cool. Là. Est-ce que j'ai rêvé? Tu vas me dire ça, toi, amateur de films d'horreur et compagnie. Est-ce qu'ils ont refait un remake de Evil Dead? You bet, man. Ben, il me semblait bien que j'étais pas fou, que j'avais vu passer ça quelque part. Il sort le 12 avril 2013, d'accord. Mon cher. C'est un... moi, je suis pas convaincu de toucher un film culte comme ça. Ben, c'est ce que je me disais. Moi, c'est... Ouais, c'est assez rough à aller jouer avec ça. Hein? C'est, oui, effectivement, c'est très touché parce que Evil Dead... Là, ben, c'est un des premiers films d'horreur à grand déploiement. Et le pire, c'est qu'il n'y en avait pas de moyens techniques. Hein? Non, ben c'est ça, mais tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? À impact. C'est ça, à impact. C'est le mot que je cherche. Oui, effectivement, c'est le premier de Sam Raimi vraiment qui l'a comme propulsé dans le monde du cinéma. Sûr et certain que le 2 puis le 3, il a viré ça comme en... Ben, c'est devenu comédie un peu. Ben, oh, c'était drôle, là, c'était comique. C'est ça. Ouais, surtout le 3, là, qui était comme un petit peu plus rendu... C'était rigolo. Oh, moi, je trouve que c'est correct, pareil. Là, c'est très distrayant. Mais le premier, c'était le premier... Premier... production ou ce que c'était poussé aussi loin. Oh oui, c'était assez élevé. Des bouts dans la chambre avec... Ça mêlait le gore, le satanisme, la possession, le slasher, tout ça ensemble, mais au paroxysme. Là. Effectivement, t'as raison, le 12 avril, c'est le remake de Evil Dead. Et le poster stipule « The most terrifying film you will ever experience ». Ça risque d'être... Mais encore là, aujourd'hui... Tu te dis, ça il y a tellement de choses. Ça va prendre quelque chose de vraiment époustouflant. Oui, effectivement. Il y a un film que j'ai vraiment hâte de voir, moi, qui n'est pas tout de suite, là, c'est au mois de juin, le 21 plus précisément, c'est World War Z. Et qu'est-ce que c'est? Z pour Zombie. Ah, un autre film de zombies. Et ça met en vedette Brad Pitt. Oups. Ouais. Puis j'ai vu les previews, puis ça m'a inspiré. Ah. Ben, ça entend que Brad Pitt, là, on est loin de l'époque du jeune premier où ce qui était « Oh, il est beau! » Non. C'est un excellent acteur. Oh, oui, c'est un gars qui choisit uniquement ce qui fait son affaire. C'est un peu comme DiCaprio. Tout à fait, absolument. Oui, oui, je pense que c'est le même comparatif. Donc, World War Z, 21 juin, c'est à suivre. En autant que tu ne parles pas du nouveau film de zombies, là, Teenage Zombie, je sais pas quoi, là... Mais non, tu fous, toi, j'ai vu les previews. Avec John Malkovich. Pourquoi John Malkovich? Il joue dans un film qui a l'air un genre de Twilight pour zombies, là, finalement. Ben oui, absolument, là, absolument. C'est ça, j'ai regardé les previews, puis j'ai regardé ma conjointe. Je dis, c'est pas John Malkovich qu'on vient de voir, là. Elle dit, oui, c'est lui. Dans quoi qu'il est allé se fourrer, lui, je là? Je sais pas. Écoute, il n'y a plus vraiment la cote, là. Ben là, regarde, écoute, là, c'est là, il vient de descendre Mais déjà, moi, je l'aimais pas vraiment, cet acteur-là. Mais, il a fait des bonnes choses. Mais c'est un bon acteur. Mais là, ça, moi, ta comparaison est bonne. Hey, Twilight pour zombies, ouais, moi, là, la minute, là, regarde. Présentement, le Texas Chainsaw 3D is now playing. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que c'est le même film qu'ils ont refait en 3D ou c'est vraiment un nouveau Texas? Théoriquement, c'est le même. L'original de Tobe Hooper. OK, des années 70, j'ai plus la date exactement, je pense que c'est peut-être même 75, 76, je sais plus, je suis plus certain. Sauf qu'ils ont tellement exploité la franchise que il y a eu des suites qui sont vraiment poches comme Leatherface, c'est vrai. Ouais, mais il y a eu un remake qui a été fait il y a quelques années. Ah ben là, c'est là. Oui. Qui se voulait une forme de remake. Ben, qui n'était pas pire pareil. Qui était correct. Ah, il était très, très correct. Mais après ça, ils se sont mis à faire In the Beginning, blablabla. Okay. Là, c'est parce que là, à un moment donné, on ne veut pas le savoir. Là, le film, en tant que lui, il était comme assez complet. Mais celui-là, le 3D, est-ce que c'est l'original? Ben, supposément que c'est un remake de l'original. OK, c'est un remake. Ah, ben, c'est pas Tobe Hooper qui l'a fait. Là. Okay. C'est un gars qui s'appelle John Lusenhop. Donc, c'est un nouveau Texas, mais en tout cas, bref. Ben, c'est une reprise de ce qui s'est fait. Gna. Bon, fait que j'en sais pas plus. On a découvert une série télévisée pas mal en même temps, d'après ce que je peux voir. Ça a comme à donner bizarre que ça tombe à TV en même temps, comme moi, je découvre le coffret. Tu sais, c'est Alcatraz. Ouais. J'avais commencé à voir les previews un petit peu comme avant les fêtes. Puis on savait que c'était pour sortir incessamment à un des canaux spécialisés qui passe à TV. Mais moi, j'aime pas ça écouter des séries à TV. Non. Parce que d'un, il y a des annonces. Puis de deux, ben, faut attendre la semaine suivante. C'est sûr et certain que dans le cas de certains. On va dire, mettons, Canal Historia, qui passe NCIS, mettons. Bon, ben, s'il passe la saison 9 d'NCIS, ben, c'est en rafale à tous les soirs, à 9h. Ouais. Fait que t'as 24 épisodes, c'est 24 soirs. Mais c'est pas partout pareil, là. Non, mais c'est ça. Mais toi, un samedi soir, t'as le goût de taper 5-6 épisodes de ton série préférée. Ben, tu peux pas le faire. Ben, moi, je préfère avoir le coffret, puis tu sais, quand tu débouches, puis tac, tu le mets dedans, puis on n'en parle plus. Exactement. Alcatraz semblait être très intéressant, puis l'acteur principal, c'est Sam Neill, puis en faisant quelques recherches, c'est J.J. Abrams qui a fait la série. Oui. Fait que moi, tout de suite, ça l'a allumé. Moi, j'étais un maniaque de Fringe. J'ai bien aimé ce qu'il a fait avec... Lost? Lost, j'ai pas écouté Lost. Okay. Ça me manque à ma culture. Il va falloir que je pallie à ça. Oui, oui. Avec Star Trek, ce qu'il a fait avec Star Trek. Oui. Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fort. Fait que, disons, pourquoi qu'on donnerait pas une chance à Alcatraz? Ben, je suis rendu au 8e épisode, puis moi, je m'en t'avoue, ben franchement, je trouve ça super bon. Quelques redondances, oui, parce que c'est du J.J. Abrams, hein? Donc, d'après moi, tout va nous péter dans la face. C'est à venir. Ben, c'est ça. C'est ça. Là, comme c'est là, à chaque épisode est... Ben, il faut même un peu dans le contexte d'histoire que c'est que... En 1963... Voilà. Alcatraz a été fermé. Les 205 prisonniers ont été réaménagés ailleurs. Ils ont été relocalisés. C'était fermé pour cause d'hygiène, mais aussi pour cause de frais d'exploitation. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Pas du tout. La journée où ils devaient être transférés, tout le monde a disparu. Comme ça. Mais là, on se retrouve en 2012 et ils réapparaissent un par un. Fait que chaque épisode est consacré à un disparu. Ouais. Mais là, moi, je suis rendu au huitième. C'est sûr que le premier, bon, OK, c'est cool, c'est le pilote. Le deuxième, ah ben là, c'est le deuxième. Troisième. À partir du quatrième, oups, il y a des petits engrenages qui commencent à rentrer. Au cinquième, là, moi, je suis rendu au huitième épisode. C'est ça, je suis rendu juste au troisième. Et au huitième épisode, ben là, tu commences à comprendre une couple d'affaires, mais tu commences à te poser des questions sur bien d'autres affaires, là. Mm-hmm. Là, c'est. Moi, j'ai l'impression que regarde, moi, je fais confiance à J.J. Abrams, puis je pense qu'il va nous péter tout ça dans la face, mais ils ont signé pour une deuxième saison. Fait que. Ben, tu vois, c'est le principe un peu de. Exemple, Lost. Moi, j'ai suivi toutes les saisons de Lost. Je t'avouerais qu'au bout de 4 à 5, ça aurait pu, il aurait pu faire la close là. Mais c'était quand même très intriguant, puis il y avait une tournure de nous amener. Je dirais, comment je pourrais dire, l'énigme, si tu veux, d'une façon très intelligente. Avec Fringe, moi, ce que j'ai trouvé très, très, très cool, c'est que c'est d'amener l'exploitation de tout le côté science-fiction très éclaté. Mais c'est parce que ce qui arrive avec Fringe, c'est qu'il a réussi à mélanger le côté culte de la science-fiction avec un paquet de clins d'œil. Oui. De ce qui a été fait par avant. Exactement. Il a réussi à mettre le petit côté loufoque, puis de mettre un côté très scientifique en même temps. Oui. Puis très policier aussi. Puis tout est bien dosé. Oui, c'est tout bien, bien dosé. Puis tu sais, le côté policier, côté il est enquête, là. Le côté enquête, le côté scientifique, le côté science-fiction. Exactement. Bon, moi, Alcatraz, je suis rendu seulement au troisième épisode, bon. Puis je t'avoue que présentement, je ne sais pas vraiment où on s'en va. Ben, il faut continuer. Ça, c'est bien, bien, bien important. Moi, présentement, je suis à huitième, comme je disais. Moi, j'adore la série. Tu as du policier. Tu as du what the fuck. Tu as des affaires assez spéciales. Tu as pas mal de. Un petit peu de science-fiction, mais tout tourne autour de. Je peux pas dévoiler une espèce de vague temporelle. Ben, ouais, tu l'as dit, mais je peux pas en parler encore parce que là, toi, t'es pas rendu. Puis, en tout cas, bref. Mais si vous avez la chance de vous. Ça passe, je me rappelle pas quel poste, là. Je ferais pas. C'est pas le canal Z ou je sais pas quoi, là. Un Z, ouais, peut-être Z. Une des chaînes d'Astral. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Écoutez ça, je pense que ça passe le lundi soir à 10h. Oui, je pense que mais c'est ça. Mais parce que c'est pas pour rien. OK. Ouais. Parce que ça brasse un petit peu. S'amener les fidèles à lui-même et non, il s'intéresse pas aux dinosaures. Ben oui, il s'intéresse aux dinosaures finalement. Il s'intéresse à du monde qui vient de 1963. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. Merci. Non, ben bref, effectivement, c'est une série qui probablement, moi, je suis en train de la découvrir et je pense que tu as raison, faut la découvrir. Ben oui, tu sais, y a bien des séries comme ça que, au bout de 3-4 épisodes, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais, continue-tu? Puis des fois, ça vaut la peine de continuer. C'est bien. Eh bien, continuons. On va aller en pub après ça, toi. Bon, ben oui, on reviendra en musique. On reviendra en chanson. Oh oui, une petite chanson française. Où c'est cela? Pub. Le concours Les Mardis de la Relève du Gambrinus en est à sa 16e édition et c'est maintenant le temps de vous inscrire. Plus de 10 000 $ en prix seront remis aux groupes participants. Inscris ton band dès maintenant en remplissant un formulaire d'inscription disponible au Gambrinus ainsi qu'à la station C'est Fou. Fais ça vite, le nombre de places est limité. Les Mardis de la Relève du Gambrinus, une présentation des productions Joshua et C'est Fou 89.1. Électrotactile, le jeudi, 21h. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Nous sommes de retour. Il est 21h31 et Sinistrose va nous présenter quelques bonnes pièces de ses meilleures blagues à vie. Oui. Et en fait, on aura pour 24 minutes de blagues de Sinistrose. Oui. Donc, avis aux intéressés ou à ceux qui ne sont un peu moins. Ben... Eh bien, maintenant que la lumière fut alentour d'un paquet de trucs à réanimation, mettons place aux ténèbres. La lumière. Non, c'est, je parlais à la lumière, c'est les pinottes, là, tu sais. Hein? Tu sais, ils vendent des cachous, la lumière, c'est une compagnie de. Donc, ah, ouais, ça me dit de quoi vaguement, là? Ah, t'en manges pas, toi, de ça, toi, tu pourras me dire, je suis moins dégueulé, mais. Non. Ok, c'est j'ai pas besoin de manger, moi, tu ok, sais. Tu manges pas, c'est vrai. Non. Eh bien, oui, il y avait un petit bloc très, très ténébreux. Bon, me semblait aussi. Pour vous noircir les idées légèrement. Et faire comme je vous ai dit tantôt, éradiquer le bien en vous et démolir votre cervelle et la transformer en confiture nauséabonde. C'est poétique. Ah, c'est le fun. On va voir un classique de la formation Arcturus tiré du premier album paru en 96, Asperia Hymns Symphonia, seront la pièce Wintry Grey. Ça sera suivi des Russes Arconer que nous verrons à Trois-Rivières au cours du mois d'avril. Nous aurons Borknagar, Arnold Attrack et on finira avec Bifrost. Alors allons-y tout de suite. Arcturus Wintry Grey. Go! We'll be right back.

framed. Cities untamed, gardens wheezing them. 21h52, l'édition tire à sa fin. Eh oui, c'est le temps de nous dire presque bonsoir, bonne nuit. C'est ça. Bien entendre, formation anglaise Anal Nathrak avec la pièce Tordu et Tet Webel tirée de Passion de 2011. Il y avait de la passion là-dedans, disons. Non, il était très enflammé. Mettons qu'il était. C'est cela. Borknagar de Norvège, tiré du dernier album Earth de 2012, c'était The Beauty of Dead Cities, un excellent album qui effectue très beau retour. J'ai de la misère avec ça, moi. Borknagar, ouais, ouais. C'est folk progressif. Disons que ça l'a permis à Wintersorg de sortir un meilleur album solo cette année qu'il avait fait l'année passée. c'est bon. Arkona avec On the Unknown Trail. Là, je vous le dis titre en anglais parce qu'en russe, je comprends que dalle. C'est tiré de l'album Goy Rod Goy de 2009. C'était Napalm Records. Et on a commencé avec un classique d'Arcturus avec Wintry Gray. Tiré de Asperia E.M. Symphonia de 1996 et c'est paru sur Ancient Lord Creations. Donc, il nous reste le temps de passer une dernière pièce, mais avant, je veux vous dire que la semaine prochaine, je ferai un petit spécial industriel, comme il y a plusieurs mois que je n'ai pas fait. Ben, c'est un Mechanical Experience, ça fait... Revival. C'est un revival, ça. Exactement, ça. Oui. Entre autres, pour le reste, ben, je sais pas. On improvise. Quelques petites surprises. Il y a peut-être des trucs qui vont peut-être s'ajouter cette semaine, on sait jamais. C'est bon. On va terminer avec une pièce de Bifrost, excellent groupe de Norvège, avec une pièce qui s'appelle Shadow of Fear. C'est tiré de l'album Of Death de 2011 et c'est paru sur AFM Records. Sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.